radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Bonjour, il est 14h et... Non, 13h, 13h et 37 minutes. Voilà, donc le retour avec l'émission Souvenir, comme tous les vendredis, entre 13h30 jusqu'à 16h. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne matinée, et puis donc aussi j'espère que vous avez passé une après-midi bien en ma compagnie avec les chansons, donc bien souvenir. Voilà, donc on va débuter l'émission avec en duo, avec tout simplement Arletty et Georges Ulmer. Le titre s'appelle « Viens, mademoiselle ». Viens, viens, Madeleine, sur ma petite reine. Car un tandem rassemble ceux qui pédalent ensemble. Oui, oui, oui, viens, viens, Madeleine, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mon jupon dans la chaîne. Accroche-le-là sous des bras. Pour un athlète, la bicyclette, c'est beau quand on s'entend. Si toi tu cales, moi je pédale. Oui seulement quand ça descend. Oh viens, viens Madeleine, tu vois sans peine. Nous dépassons ma fille. Ce vieux Madeleine Bastille. Oh viens, viens Madeleine, reste avec moi. Ne t'envole pas quand je freine. On tourne par là. Je tends le doigt. Tire la sirène. Voici Vincennes. Stop, on est arrivé. Mais le ciel ronfle. Vite je regonfle. Ramasse le déjeuner. Oh, viens, viens, viens, viens, viens, ma petite Madeleine. Le grain s'amène. Qu'est-ce qui descend comme flotte? Je ne pédale plus, je canote. Oh, viens, viens, Madeleine, dis-la chérie. Bah, qu'il faut bien qu'on se promène, qu'il pleut aussi à Paris. Oui, qu'il pleut aussi à Paris. Voici donc qu'elle s'appelle tout simplement Colette Betty avec le bistrot du port. Dans le bistrot du port, on y parle d'amour, de pêche et de partance, des soirées de retour, et l'on y fait bonbon. Moi, ça coule ma flot, en renouant dans l'envie, on va vivre de ton vent et dire ta cordée. Mais la servante est rousse, sans lui consort ton cœur, et ton mollet est rond, et tes yeux sont fréquents, aimant la bagatelle. Faire un baiser sur ta nuque brisée, au désir de l'humour. Car la servante est rousse, dans le bistrot du port. Dans le bistrot du port, parmi tous les copains, ils parlent du voyage qu'il va faire demain. Et c'est un beau miroir. Servante est rousse, mais son jupon se retrousse, et son mollet est rond, et ses yeux sont fréquents. Elle fait dire que je t'aime, et de l'amour complaire, nous irons à bâbord, toute voile dehors, il restera comme monde le plus dégoûtant du monde. Vous allez me juger mal et me trouver anormal. Vous direz quel goût est orange, quelle boue et quelle fange. Même si l'on m'en veut, j'en fais l'aveu. J'aime les femmes, j'aime les femmes. Voilà mon vice, ma faiblesse et mon défaut. J'aime les femmes, j'aime les femmes. Ça peut paraître singulier, mais il m'en faut. Je sais qu'on blâme ceux de nos jours qui sont pour femmes. Moi je suis pour, oui, je suis pour. Je suis pour femme, car sans les femmes, je ne pourrais jamais faire l'amour. Pour elle déjà en pension, j'avais cette propension. On m'a même, vous le dirais-je, renvoyé de trois collèges. On me fit nommer au bâti, en plaçant près de mon lit, pour que je rentre dans la norme de jeunes gens sans uniforme. Ces jeunes collégiens ne me disaient rien. J'aimais les femmes, j'aimais les femmes. Sont pas si je les avais déjà dans l'amour. J'aimais les femmes, j'aimais les femmes. Et j'ai grandi en sentant grandir mon défaut. Dans le programme de notre cours, j'avais mes âmes, un seul amour, la pompadour. Oh, cette femme, c'était une femme, je lui dois mes promesses.

sapin s'appelle la Morena. La plus belle c'est la Morena, mais celui qui l'aime souffrira. Elle a le cœur infidèle et le démon l'ensorcelle. Qui veut l'avoir un soir dans ses bras doit savoir mourir pour elle, Morena. La plus belle c'est la Morena, mais celui qui l'aime souffrira. Elle a le cœur infidèle et le démon l'ensorcelle. Qui veut la voir un soir dans ses bras doit savoir mourir pour elle, Morena. Drôle d'attelage, c'est toujours le même qui tire la carriole. Amour, mariage, croyez-moi quand on est à la page, y a pas de problème, on aime à jour et on s'envole. Non, pas de cage. Non, je veux rester, mon cher, célibataire. Amour, mariage, toute la vie au coin du feu, bien sage. Pas question, vieux frère, à pleine dent et pour longtemps. Je veux croquer les fruits que j'ai. We'll be right back.

d'amour morte disparaissent dans tous les chemins. La province boucle ses portes et s'enferme jusqu'à demain. Moi, je suis seul en ce monde où je m'ennuie. Un chien hurle, oh mon Dieu, que tout est gris. Un oiseau traverse la place. Un piano se plaint au lointain. Je rêve aux amours qui passent. Je rêve à l'amour qui revient. Soir tombe, la nuit gémit. Les fenêtres déjà s'allument. Et là-bas, bat le cœur de Arc-en-ciel, un amour de la femme. La dame, elle ne veut pas parler, et quand le juge est fatigué, elle bavarde avec son passé. Dire que tout ça a commencé en même temps qu'un soleil d'été qui avait l'air fait pour durer. Et le qui avait l'air fait pour danser, alors bien sûr, elle a valassé. Et puis après, elle a embrassé. Il n'en faut pas plus pour s'aimer. De la mairie du 14e. devient merveilleux. Dans les beaux rêves, on fait tant mieux. La dame, elle, on ferme les yeux. Elle revoit, que le seul jour de sa vie, je crois. Où elle a fait un signe de croix. Car tout est miraculeux, l'église chantait rien que pour eux. Et même le pauvre était heureux. C'est l'amour qui fait la tournée. Et de là-haut à voler, les cloches criaient, vive la mariée. Donnez, donnez, carillonnez. Il a viré fidélité. Avec Si tu m'aimais. Si tu m'aimais, tu me dirais, je te pardonne tant de larmes. Si tu m'aimais, tu me dirais, mes peines, mes alarmes. Est-il trop tard? Et mon regard n'a-t-il pour toi plus aucun charme? Car tout seul est possible alors. Si tu m'aimais passé qui t'a blessé, me tiendras-tu rigueur encore? Ne voudrais-tu que te venger si je t'aimais comme tu m'as aimé? Là-bas sur l'océan, dans ce phare qui scintille, le gardien vigilant demeure sans panique. Seul dans l'immensité, quand le flot se soulève, parfois comme un rêve, il se prend à chanter. L'océan sous sa garde, le soir fait miroiter par la lune blafarde, ses reflets argentés dans cette apothéose porte vers l'horizon sa joyeuse chanson. Océan grandiose, mais un soir, le gardien, quelques folies en tête, au village voisin, va revoir sa brunette. Près d'elle, il s'attarda, car elle était jolie. Mais le phare vigile, le soir n'éclaira pas. L'océan sans son garde paraît désorienté, les étoiles hagardes ont terni leur clarté. Prenez garde au naufrage, pauvre petit bateau, balancé par les flots, car l'océan au village voisin, des gens courent dans l'ombre, on sonne le tocsin pour un bateau qui sombre. Pour lui porter secours, le grand dans l'eau s'élance, mais les flots par vengeance le prennent pour toujours. L'océan n'a plus de garde, car dans l'obscurité, c'est la folle camarde qui vient de l'emporter. Sorcière toujours avide, entraînée au lointain, celui qui fut gardien de l'océan perfide. Journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc bien 3 titres différents du Portugal.

Виноградный шил мне кэна и упеши жапикаве. Ён шил мне кэна си, ён шил мне кэна си, ён шил мне кэна, он вышла хапута. Ён шил мне кэна си, ён шил мне кэна си, нон тиня орны без копина и апуда. Ён шил мне кэна си, ён шил мне кэна си, ён шил мне кэна, он вышла хапута. Ён шил мне кэна си, ён шил мне Martin, et son titre Les Amandes. Il n'y a plus d'amandes, les écureuils ont tout mangé. Les vignes qui s'étendent jusqu'au prochain verger. Le foin sent la lavande, la gorge chaude l'oranger. Mes lèvres vont se mélanger à tes lèvres gourmandes. Rien ne viendra nous déranger. Le vieux moulin à vent ne battra plus des ailes. Le seau rouillé sur la margelle ne grincera plus comme avant. Les écureuils au coin du feu s'endorment. Viens, faisons comme eux. Je te fais une guirlande de fleurs des champs, de fleurs des prés. Mais nos deux corps sont bien trop près et notre faim si grande. Ne nous faisons plus désirer. Il n'y a plus d'amande, les écureuils ont tout mangé. Mais j'en aurai en contrebande pour t'y faire goûter. Sans attendre, sans attendre l'été. Servante du château, c'est simplement chanté tout simplement par Denise Benoît. C'est moi la servante du château. Je remplis les vases et je vide les seaux. Je manie le balai et puis le perchant. Je fais la pâtée pour les cochons et puis la soupe pour les patrons. J'ai pas de pieds dans le même sabot. J'ai de la vaillance plus qu'il en faut. Ici, qui c'est qui fait le boulot? C'est moi. La baronne, c'est une mijaurée. qui est pas capable de surveiller. C'est moi qui dirige la maison, je compte les bouteilles et les chapons, et puis les liquettes du baron. Faut avoir, comme dit monsieur le maire, un œil au ballot au cimetière. Oh, qui c'est qui sue, même en hiver, c'est moi. Faut pas croire que je sois un laidron, mais non. Les gars, ils me courent au cotillon parfaitement. S'ils me gardent pas les mains dans leur poche, moi je te le refile une taloche. Même le baron quand il s'approche, je le chasse à grands coups de plumeau. J'ai de la vertu, plus qu'il n'en faut. Oui, mais qui sera la rosière du hameau? C'est moi. Mademoiselle dans le potager fait la causette à son fiancé. Aussitôt je quitte mon torchon pour surveiller un peu ce qu'ils font. Je sais qu'il a de bonnes façons, mais comme disait monsieur notre curé, chauffe un marron, ça le fait péter. Ha! Qui c'est qu'a de la moralité? C'est moi. J'ai dit à mademoiselle, oh, fleur d'orange et crin point la grêle. L'évêque est venu bénir la fête, mais comme le bedeau était pompette, c'est moi qui ai porté les burettes. Le soir, quand les épouses sont retirées, j'avais de la peine à les quitter. Qui s'est dit qu'il les abordait? Mais c'est moi. Pour me consoler, j'ai été trinqué avec Nicolas, le riche meunier. On t'a dansé sous les lampions, le flac qui tripote mon jupon. Pourquoi si c'est pas du coton? Oh dame, c'est quand il gèle qu'on cueille les coins. Moi je le laisse faire, je pense au moulin. Qui corra l'homme, qui corra le grain? C'est moi. Je suis bon rosière, mais je serai patronne et je me mettrai un chapeau pour faire visite à la baronne. Changement d'herbage, réjouis les veaux. Qui sera l'invité du château? C'est moi. Voici donc qui s'appelle Georges Guettari avec la chanson du matin. C'est la chanson du matin, la chanson du soleil. Après la nuit qui s'enfuit, c'est enfin le réveil. Se briser de ciel bleu, l'oiseau quitte son nid. Et dans un hymne joyeux, tout fredonne avec lui. C'est la chanson du matin, la chanson du bonheur. Chaque fleur y pénètre les cœurs. C'est comme un grand cri d'amour que l'on entend monter. C'est la chanson du matin qui s'élève. Écoutez, écoutez, écoutez. Entendez-vous la symphonie de la nature?

Voici donc qui s'appelle Andrex, c'est le titre qui m'a encore mis du rouge. Certainement, il adorait sa femme, je dirais même avec excès. Et cependant, il faisait tout un drame, toutes les fois qu'elle l'embrassait. Comme elle se maquillait un petit peu trop, elle lui refilait un peu de son rouge à tous les coups, et ça ne lui plaisait pas du tout. Après chacun de ses baisers, en s'essuyant, il lui disait: tu m'as encore mis du rouge, j'en ai les joues pas déjeuner, y en a même jusque sur mon nez. Tu m'as encore mis du rouge, si t'as envie de faire de la peinture, choisis autre chose que ma figure. Et chaque fois, il se trempait dans la flotte, et je te frotte, et je te refrotte. Finalement, en voyant sa bouillotte, il s'écriait très en colère: c'est un scandale, de quoi j'ai l'air? Tu vois, j'ai tout du peau rouge, les gens vont croire, malheureuse, que j'ai une maladie honteuse. Je t'en prie, ne mets plus tant de rouge, sinon fini notre bonheur, je t'enverrai te faire peindre ailleurs. Pour éviter de le mettre en colère, elle chercha des tas de moyens. Elle essaya tous les rouges de la terre, oui, mais cela ne changea rien. Pour lui, le vermillon, c'était devenu de l'obsession. Il voyait rouge à chaque instant, en se levant, en déjeunant. Un jour, qu'elle lui versait du vin, il s'écria, prénom d'un chien: oh, tu m'as encore mis du rouge, je ne veux plus voir cette couleur-là, plus de Beaujolais, retire-moi ça. Et puis, enlève ces choux rouges, quand t'auras dit peins-les en vert, ou bien retourne chez ta mère. Mais sa femme, lassée par ses combines, prit sans attendre la carabine, et puis en plein dans la poitrine, touché au cœur, le malheureux cria: je meurs, c'est pas du jeu. Tu m'as encore mis du rouge, regarde un peu sous mon tricot, tu m'as fait le coup du coquelicot. Tu m'as encore mis du rouge, mais maintenant je suis foutu, le rouge est mis, rien ne va plus. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc Martine Carole. Voulez-vous jouer avec moi? Voulez-vous jouer avec moi? Le jeu d'amour, la tendre guerre. Mais ne cherchez pas pourquoi. L'ennemi, c'est le partenaire. Si mes yeux vous enjolèrent, prenez garde à vous. Ne soyez pas trop sincère, le cœur n'est pas l'atout. Voulez-vous jouer avec moi? Un jour, un an, la vie entière. Avec moi, seule l'audace est souveraine, car les valets volent les rois, et les fous protègent les reines. Oh, je n'ai jamais lu sans toi. L'amour, c'est un coup de poker, un jeu passe père et manque. Venez, venez tenir la banque. Au jeu, à tous les coups l'on peut. Voulez-vous jouer avec moi? Le jeu d'amour, la tendre guerre. Mais ne cherchez pas pourquoi. C'est le partenaire. Si mes yeux vous enjolèrent, prenez garde à vous. ne soyez pas trop sincère. Le cœur n'est pas la tour. Voulez-vous jouer avec moi? Un jour, un an, la vie entière. Avec moi. Voici donc Vicky Autier. Le titre s'appelle tout simplement « Ah, que je t'aime ». Je t'aime, mon amour, que je t'aime. Je ne vis dans ce monde que pour la seconde où je suis avec toi. Et lorsque tu frôles seulement mes épaules, j'ai le cœur qui s'arrête et je suis toute prête à tomber dans tes bras. J'ai le front brûlant de fièvre, sitôt que dans l'ombre tu serres ma taille. Il suffit que sur mes lèvres je sente tes lèvres pour que je défaille. Que je t'aime, mon amour, que je t'aime. Pas beaucoup, je le pense, sur terre ont la chance d'aimer comme moi. Souvent je me répète que je devrais être plus forte sans doute. Mais c'est comme une tempête qui passe et m'emporte dès que je t'écoute. Aïe, aïe, aïe, que je t'aime, mon amour, que je t'aime. Dans ce monde que pour la seconde je suis avec toi. Aïe, aïe, aïe, que je t'aime, mon amour, que je t'aime. Mais ta joie est la même, puisque toi tu n'aimes que moi. Il faut avant le mariage, très franchement, poser ses conditions. Mon mari ne sera pas volage, mon époux ne sera pas jaloux. Si je ne suis pas sage, déjà je l'engage à me pardonner tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, doit s'amuser, je gage des roueries et des taquineries, des enfantillages, des marivaudages de sa femme chérie. Si un bijou me séduit, ce sera toujours lui qui me dira oui. Je ne veux pas d'un compagnon, moi ça des grognons qui me dira non. Mon mari ne me mettra pas en cage, mon époux me sortira partout. Il doit ses usages me faire bon visage si je dépense beaucoup. J'ai bon caractère, je suis pas volontaire, mais pourtant si l'on m'ennuie, j'envoie les gens faire l'enlaire. pense que je suis polie. Mais si l'on m'est en colère, alors ça fait du joli. Après je regrette car je suis surtout prévenante, charmante, aimante et tout. Quel dommage de gâcher ses qualités. Mais si mon mari sait en profiter, sa petite femme sera toujours exquise. Son petit loup ne sera pas jaloux. Patiente et soumise, la chose est promise. Je pardonnerai toute femme adore quoi qu'on dise. Les manies et les étourderies, les petites bêtises et les vantardises de son mari chéri. S'il parle un peu trop de lui, je serai tout oui, je dirai oui. Et si braille sans raison, je fais tout à la maison, je ne dirai pas non. Sa petite femme sera toujours bien mise, son petit loup aura un succès fou. Et s'il s'en formalise, je lui dirai please, ne soyez pas jaloux. Si votre femme plaît beaucoup, c'est la preuve après tout que vous avez du goût. C'est aussi ça. Thank you. mon petit village, par un très vieux mur entouré, dans un merveilleux paysage, il est un jardin enchanté. Parmi toutes les primes vertes, pensées et fleurs des champs, une rose fleurit éphémère, quand revient le printemps. Et bien loin au pays, je chante cette mélodie. J'ai laissé ma rose d'Auvergne dans son jardin. Et si j'ai surmonté ma peine et mon chagrin, je n'oublierai jamais la fleur de mes amours, dont le parfum cher à mon cœur me suivra toujours. Je retrouve ma rose d'Auvergne dans ton écrin. Disons adieu à toutes nos peines, à nos chagrins. Tu resteras la jolie fleur de mes amours, dont le parfum cher à mon cœur me suivra toujours. Arc-en-ciel. Un amour de la femme. C'est la fille au Seigneur, la récade de l'arcade de Grenade. Elle a des yeux couleurs

toujours très singe. On voit des amoureux sous les feuillages. C'est vrai que le muguet, il a bon dos. Y a de l'amour jusqu'à dans mon tango. Au bal du muguet, si on allait danser. Au bal du muguet, une nuit pour s'aimer. Je saurais bien trouver les mots pour te dire que je t'aime. Si ce soir tu as le cœur gros, fais-moi confiance quand même. Au bal du muguet, c'est comme un doux refrain. Au bal du muguet, on s'aimait, c'est très bien. Ce soir, fais-moi danser, fais-moi revivre les 12 instants de notre vie passée. Et même si l'on a pris quelques rides, l'amour que j'ai pour toi n'a pas changé. Au bal du muguet, si on allait danser. Au bal du muguet, une nuit pour s'aimer. Je saurais bien trouver les mots pour te dire que je t'aime. Si ce soir tu as le cœur gros, fais-moi confiance quand même. Au bal du muguet, c'est comme un doux refrain. Au bal du muguet, on s'aimait, c'est très bien. Que je t'aime. Si ce soir tu as le cœur gros, fais-moi confiance quand même. Au bal du muguet, c'est comme un doux refrain. Voilà donc, on va se quitter de passer peu de temps. Voilà donc, on va se retrouver prochainement sur la cantine, la radio en couleur. Voilà, donc, voilà. Et puis, j'espère que vous avez passé une bonne après-midi en ma compagnie. Donc, on se retrouve. Je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Dansant.